Mosaïque. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous captez de par le monde. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Le 28 septembre dernier, les États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont prolongé d'une année le mandat de sa commission d'enquête au Burundi. La prolongation du mandat de la commission a été consécutive à la présentation du rapport de la commission en début du mois de septembre qui affirme que de graves violations des droits de l'homme ont continué d'être commises au Burundi entre 2017 et 2018. De surcroît, des actes imputables à certaines institutions de la République selon le rapport. Bujumbura avait contesté ce rapport et menacé par la suite de quitter le Conseil des droits de l'homme si le mandat de cette commission devait être renouvelé. Comment appréciez-vous la prolongation du mandat de la commission d'enquête du Conseil aux droits de l'homme? Pourquoi la situation des droits de l'homme au Burundi est perçue différemment? Que faire pour que les rapports sur la situation des droits de l'homme au Burundi trouvent un large consensus de plusieurs parties intéressées? Voici les quelques questions et bien d'autres qui feront objet de notre débat mosaïque. Au studio, nous sommes avec trois invités. Nous accueillons le ministre Martin Ivyabandi, en charge des droits de l'homme et de la solidarité nationale. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, mais ce n'est pas la solidarité nationale, ce sont les affaires sociales. Merci. Nous accueillons également honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amis Zéro Yabarundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je profite pour saluer tous les auditeurs de la radio Isanganiro. Nous accueillons également Faustin Dikoumana, représentant légal de Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Bienvenue dans l'émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités. À la réalisation, Jérôme Nyonzima, Audrine Ndaikeza assure la technique. Pacifique Chubairo anime Mosaïque d'aujourd'hui. À vous tous, à l'écoute de cette émission, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Mosaïque. Ministre Martin Ivyabandi, au cours de ces derniers mois, vous avez chapeauté le travail du gouvernement par rapport aux activités en rapport avec la situation des droits de l'homme. Comment appréciez-vous les activités qui ont caractérisé ces mois par rapport à la situation des droits de l'homme? Merci tout d'abord de nous avoir conviés à ce débat qui est extrêmement important, qui nous permettra d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les positions du gouvernement du Burundi. Comme vous le dites quotidiennement, nous sommes amenés à faire face à des allégations qui sont contenues dans des rapports. Les derniers présentés par Doudou Diène, les Sénégalais. C'est un rapport qui a été contesté par le gouvernement du Burundi puisqu'il contient beaucoup de mensonges. Il contient beaucoup d'affirmations qui ne sont pas justifiées jusqu'à atteindre les niveaux où vous affirmez que le chef de l'État burundais fait toujours des appels récurrents à la haine. Ça ne nous a pas beaucoup étonné puisque c'est devenu une habitude et que lorsque la résolution a été votée pour la prolongation du mandat de la commission d'enquête, nous n'avons pas été surpris puisque on s'était vu avec la partie de l'Union européenne qui était l'initiatrice et de la résolution. On l'avait expliqué que là, on n'est pas pour les résolutions, mais plutôt de s'asseoir et de regarder la réalité en face. Afin que nous puissions évoluer dans un sens où la vraie situation du Burundi soit connue. Mais vous le savez, dans ce monde, quand vous parlez des questions des droits de l'homme, ce sont des questions qui sont très complexes, où malheureusement, vous l'avez suivi, certains États ont commencé à élever la voix que le Conseil des droits de l'homme est devenu une plateforme de manipulation politique. Ça va faire plus de 3 ans que nous suivons, que je suis personnellement des débats. Vous avez, le monde est déjà divisé en blocs. Il y a les blocs des Occidentaux et les alliés. Je vais le montrer que ce sont eux les maîtres des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme, et que les autres doivent suivre leur vision. Ah, mais il y a de l'autre côté, il y a des pays du Sud et d'autres pays qui ont été colonisés. Qui leur montre qu'il y a une autre voie? Qu'il fallait s'asseoir au lieu que le Conseil des droits de l'homme subisse le même sort qu'a subi la Commission des droits de l'homme, puisque le Conseil des droits de l'homme a été établi après l'échec de la Commission des droits de l'homme. C'était dans les réformes initiées par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Mais malheureusement, les raisons qui ont poussé à l'échec de la Commission des droits de l'homme sont les mêmes pour le Conseil des droits de l'homme. Certains pays commencent même à claquer la porte. Et nous avons dit, nous allons aussi analyser et voir quel est l'intérêt, où se trouve l'intérêt du peuple burundais, où se trouve l'intérêt du pays. Et nous allons faire une considération eu égard aux différentes interventions de différents acteurs au niveau du pays et prendre une décision adéquate au moment opportun. Vous contestez le contenu du rapport sur la situation des droits de l'homme produit par la commission. Pourquoi aujourd'hui, du coup, aussi vous vous opposez à ce que la commission continue à travailler par rapport à la prolongation du mandat d'une année? Peut-être l'opinion n'est pas informée. C'est une prolongation d'un rapport qui avait été produit par les UNIB. Quand vous regardez les rapports qui ont été produits successivement, ce sont des copier-coller. Au fond, le contenu est le même. Vous le savez, les UNIB est venu, le gouvernement a montré sa bonne foi, la mission avait rencontré toutes les autorités du pays, la mission avait rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité, la société civile, les membres du gouvernement. Mais malheureusement, quand il s'agissait de produire un rapport, il y avait des contre-vérités. Même s'il ne fallait pas être même un scientifique quand vous dites que quelqu'un est passé à côté d'une femme dont l'utérus avait été retiré et qu'il l'a remis, il fallait même s'imaginer est-ce que la commission a fait son travail, puisque la commission était composée des éminents professeurs, comme le professeur sud-africain et Christophe Stam, un éminent professeur. Mais après nos investigations, nous avons trouvé qu'ils avaient confié un travail à une équipe qui était pilotée par un Haïtien, qui s'était mis dans un hôtel. Ils ont collecté des informations ici et là, et malheureusement, ils ont produit un rapport qui ne les a pas honorés. C'est pourquoi nous avons dit, un rapport politiquement motivé, nous ne pouvons pas accepter ce rapport, eu égard aux conclusions qui se trouvent là-dedans. Et après, on a demandé à la partie de l'Union européenne de nous asseoir, puisqu'ils proposaient déjà une autre résolution. Nous avons demandé, puisque c'était pendant la session de septembre 2016, nous les avons demandé. Faisons-nous, nous sommes en septembre, attendons pour la session de mars, nous asseoir et discuter de ce rapport. Nous avons demandé au Conseil des droits de l'homme, malheureusement, la demande du gouvernement du Burundi n'a pas reçu une suite favorable. Quand nous avons rencontré la part de l'Union européenne, c'était la même chose. On a tellement travaillé, même la nuit, en montrant qu'il est de l'intérêt du respect des droits de l'homme, il est de l'intérêt du monde à ce que ce rapport soit discuté, comme c'est le principe même. Et qui est le fondement du Conseil des droits de l'homme, le dialogue, l'entraide mutuelle. Vous avez une opportunité de discuter des différents contenus des rapports, mais malheureusement, ça a été refusé. Pourquoi? C'est un processus qui débute avec 2013, où le Burundi devait être mis sur l'agenda du Conseil des droits de l'homme. C'est une stratégie que certains pays, quand on vous met sur les droits de l'homme, c'est la Syrie, c'est l'Israël avec ce qu'ils appellent l'occupation au niveau de la Palestine. Donc, montrer à la face du monde que vous êtes un grand violeur des droits de l'homme. Les gens devraient comprendre que ce n'est pas à partir de 2015. C'est à partir de 2013 que des résolutions intempestives ont commencé à être initiées, surtout par les Occidentaux. Et ça coïncidait. Pour vous montrer, quand il s'agissait de mettre fin au mandat de M. Fassa Ouguerigouz comme expert indépendant, mais tout l'Occident s'est levé pour ne pas accepter. Ils ont proposé une résolution de prolongation de son mandat. Alors qu'il était, dans la résolution précédente, il était mentionné que la fin du mandat d'un expert indépendant devait coïncider avec l'existence et la mise en place de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Le CNDH venait d'être créé. On s'imaginait pourquoi les Occidentaux s'acharnaient pour maintenir un expert indépendant, alors que dans la résolution précédente, il était bien marqué que son mandat va prendre fin avec l'installation de la CNDIH. Et c'est un processus qui continue. Et nous, au niveau du gouvernement du Burundi, nous disons que c'est dans la même prolongation. Et nous avons eu beaucoup d'entretiens avec des différentes personnalités, surtout au niveau du côté même de l'Union européenne, des Nations unies. Et nous trouvons que c'est dans les relations, c'est dans la gestion des relations internationales où on présente un certain pays, un certain peuple, et qu'il s'agit d'un peuple, je dirais, inférieur, sans valeur. Et nous avons eu le temps de l'expliquer que c'est un néocolonialisme qu'il voudrait perpétuer à travers ces résolutions. Et au niveau du gouvernement du Burundi, nous disons, nous ne pouvons pas accepter cette manière de faire. Mais nous sommes prêts à tout faire pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité dans notre pays. On permettait que je passe la parole aux autres, notamment à Tassien Sibomana. Au niveau de la coalition Amizero, si aujourd'hui le gouvernement conteste le rapport de la commission des droits de l'homme, d'enquête sur les droits de l'homme au Burundi, ainsi que la prolongation du mandat d'une année pour cette commission, quelle est la position d'Amizero à Burundi? Pensez-vous qu'une telle prolongation est nécessaire? Je crois que le gouvernement conteste et même l'opportunité de la mise en place de cette commission, qu'il conteste la prorogation de son mandat, c'est de son droit. Et il en va de tout gouvernement de probablement mettre du bémol dans tous ses rapports. C'est normal. Parce qu'effectivement, les rapports que nous recevons sont élaborés par une commission qui apparemment tire les sources probablement d'un seul côté. Mais qui est finalement responsable de cela? Ça, c'est la première question. Et c'est que vous admettez que le rapport peut contenir des erreurs? Absolument. Le rapport sont toujours perfectibles, surtout quand c'est fait par une commission comme, d'ailleurs, elle l'assume probablement d'un seul côté. Mais pourquoi, justement, recevoir les informations d'un seul côté? Qui est responsable de ça? Il faut que le gouvernement sache que si jamais le gouvernement probablement avait accepté de composer avec la commission, certainement que les rapports seraient sortis sous une autre forme, probablement avec un autre contenu. Alors, il faut voir si réellement le gouvernement n'a pas donné une brèche à cette commission de formuler des recommandations sur base des contenus qui peuvent être dans une certaine mesure, je ne dis pas sur tous les aspects qui peuvent être contestables. Ça, c'est un fait. Alors, j'y vais directement sur une proposition. Il faut que le gouvernement accepte de coopérer avec la commission. Probablement que si la commission avait eu le droit de fouler le sol burundais, elle aurait été en mesure de recevoir d'autres informations contraires à celle qu'elle reçoit d'un côté. Vous n'êtes pas d'accord avec le ministre lorsqu'il avance que le gouvernement burundais est de bonne foi lorsqu'il faut travailler sur l'aspect des droits de l'homme? Non, moi je parle des faits. Effectivement, il est de bonne foi quand il veut qu'on essaie de s'asseoir ensemble et de discuter du rapport. Mais avant de discuter du rapport, que faut-il faire pour que justement, avant d'arriver à la rédaction du rapport, pourquoi ne pas permettre que les membres de la commission arrivent au Burundi et que même le gouvernement et d'autres citoyens qui avaient des choses à dire puissent avoir l'occasion de le dire devant les membres de cette commission, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, le gouvernement est en train est obligé de discuter sur base d'un rapport qui est déjà produit, alors que le gouvernement pouvait fournir des informations dès le départ pour que la rédaction du rapport soit autre chose qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est... J'ai travaillé comme procureur. Si il y a deux parties qu'il faut verbaliser dans un dossier pour mieux le clôturer, et qu'une des parties refuse de produire les charges ou de se défendre des charges qu'on lui colle, vous croyez que le procureur fait quoi? Surtout que c'est une partie qui ne veut pas coopérer, qui ne veut pas répondre aux convocations. S'il n'a pas les moyens de le contraindre, il risque de clôturer le dossier sur base des allégations d'une partie. ce qui n'est pas nécessairement toujours la meilleure stratégie où les conclusions peuvent être biaisées parce que l'autre partie ne s'est pas défendue ou n'a pas produit les griefs en temps utile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi la façon de contester. Effectivement, si vous voulez contester, il y a des procédures. Quand il y a un rapport du genre, il y a toujours des contre-rapports. Tous les gouvernements qui connaissent de telles situations ont la latitude de produire des contre-rapports. Mais si vous produisez un contre-rapport et que l'autre n'a pas eu justement l'occasion d'avoir accès à toutes ces informations avant la production du rapport, comprenez que ça n'a pas la même pertinence. Parce que le rapport est déjà sorti. Il y en a qui, de bonne ou de mauvaise foi, peuvent s'en servir comme tel qu'il est. Donc, je crois que c'est beaucoup plus la question d'ordre procédural, la question d'approche, qui n'a pas permis aux deux parties de cheminer ensemble pour finalement avoir un rapport plus ou moins équilibré. Mais à notre avis, l'intérêt de la commission est là, parce que des crimes quand même ont été commis. Il fallait une commission pour ça. Mais la commission, comme le gouvernement, avait intérêt à collaborer pour produire un rapport véritable et pour que nul ne peut être injustement accusé de ceci ou de cela. Pensez-vous qu'il y a un bien fondé pour prolonger le mandat de cette commission? Certainement qu'il y a un bien fondé. Comme les enquêtes n'ont pas encore été clôturées, il y en a d'ailleurs qui disent que même aujourd'hui, il y a des disparitions forcées. Donc, tous ces faits ont besoin d'être élucidés. Mais je pense aussi que la prorogation valait la peine pour essayer de tendre la main au gouvernement pour qu'effectivement, comme le disait le ministre, ils puissent s'asseoir ensemble pour élucider toutes les situations qui peuvent susciter des polémiques. Mais si on met fin au mandat, alors que le rapport tel que produit reste toujours pendant, est-ce que le gouvernement aura gagné? Je ne pense pas. Je suis d'accord avec le ministre quand il dit qu'il faut toujours privilégier le dialogue. C'est le seul moyen de pouvoir résoudre tous les malentendus. C'est une prédisposition diplomatique. Il y a une prédisposition diplomatique. Si vous continuez à charger à tort ou à raison une partie ou une organisation, vous ne créez pas les conditions favorables justement à ce rapprochement, alors que c'est finalement la seule voie qui puisse permettre au gouvernement et à la commission de trouver vraiment un rapport équilibré qui va finalement sauver le pays. Parce qu'on cherche une solution. Si on garde les deux positions tranchées, on n'aura jamais de solution. Merci, je passe la parole à Faustin Dikoumana. Ces derniers jours, on voit des rapports produits par la commission d'enquête des droits de l'homme ici au Burundi, souvent contestés. Et à votre avis, aujourd'hui, comment appréciez-vous cette dualité entre ceux qui produisent le rapport et la position du gouvernement, surtout qui, dans la plupart des cas, conteste ces rapports? Le problème, c'est que ça relève d'abord des crises politiques. Quand il y a une crise politique, la question des droits de l'homme, il est difficile qu'elle échappe à l'influence politique. Ça, vraiment, il est tout à fait difficile qu'une question des droits de l'homme échappe à l'influence politique quand ça, la détérioration découle d'une situation de crise politique. Après tout, crise politique, c'est aussi le protagoniste. Ça, c'est un. Or, pour l'autre cas, et vous savez que ces commissions sont multipliées avec la crise de 2015. Ça, c'est un. Deux, quand le gouvernement aussi conteste des commissions qui ont été mises sur pied pour produire des rapports, ça, c'est tout à fait normal. Et tout gouvernement du monde entier doit faire une telle contestation. Je vais vous donner un exemple. Très récemment, dans le passé, avec le gouvernement Meles Zenawi, quand il y a eu massacre avec les Oromo, il a contesté le rejet de toute cette violence. Au Kenya, avec les violences de 2012, le gouvernement a contesté. L'Israël, le gouvernement Netanyahou conteste régulièrement toutes les violations même après, dans les territoires occupés. Le Rwanda, très récemment, quand il était épinglé, qu'il avait commandé des assassinats des opposants politiques de l'extérieur, contestation. Et aujourd'hui même, dans le pays asiatique, en Birmanie, avec les Rohingyas, maintenant, le gouvernement birman conteste. La contestation est un phénomène, surtout que c'est lié à des situations de crise politique. Et quand il s'ajoute alors la crise de confiance entre les institutions commanditaires de ces rapports, notamment l'ONU et le gouvernement du Burundi, les choses se compliquent donc davantage. Aujourd'hui, où est le défi? Comment avoir des rapports d'objectivité? Dire tel cas a été produit, c'est objectif. On peut prendre des mesures collectives suite à la véracité établie. Ça, c'est un problème. Mais malheureusement, c'est que ceux qui subissent ces violations les subissent parce que des cas existent ici et là. Donc, il faut, à un certain moment, voir comment, comme l'a dit tout à l'heure, monsieur le ministre, monsieur Tassin, si la commission n'a pas pu, par exemple, faire entrer ici au Burundi pour faire des enquêtes, nécessairement, elle a pu interroger une seule partie. Et dans une situation de crise politique, vous comprendrez que le rapport doit être contesté, c'est tout à fait normal. Alors, lorsque le ministre situe le problème, cette crise de confiance, à partir des années 2013 et que ça ne date pas de 2015, quelle est votre appréciation par rapport à ça? Je dis que ça dénote de la crise de confiance qui peut être entre l'institution commanditaire de ces rapports, l'ONU et le gouvernement. Donc, s'il y a une crise de confiance, c'est nécessairement qu'il y aura aussi problème. Crédibilité que le gouvernement va placer ou autre parti doit passer dans notre parti. Ça, c'est tout à fait donc normal. Aujourd'hui, on sort un rapport, on décrit tel cas de violence des droits humains. Mais ce qui serait très intéressant, c'est que le gouvernement aussi, après, sorte un rapport pour contester tel ou tel autre cas. Si on dit, monsieur Nahimana X, de la colline Y a subi de telles violations, le gouvernement a l'air de dire, après nos enquêtes policières profondes, approfondies, cet individu, par exemple, n'existait pas. C'est déjà un cas. Si on a dit qu'il a disparu, le gouvernement se fait des enquêtes et dit, vous avez parlé que M. X a disparu, mais allez voir, il est tenté de prendre de la moustère ici au bistrot là. Donc, quand vous voulez contester sur des cas précis, là, c'est comme ça qu'on doit le faire. Mais s'il y a des rapports basés sur des analyses subjectives, on aurait fait pas, là, c'est là où c'est difficile. Parce que moi, je me souviens, un jour, j'avais rencontré des membres de ces organisations internationales. J'ai dit, si vous voulez produire des rapports, soyez concrets et précis, avec des cas dont la véracité peut être vérifiée. C'est là où vous pouvez contribuer à améliorer la situation des droits de l'homme. Et non pas, on aurait dit, il paraît que non. Il faut prouver par des cas dont la véracité peut être vérifiée. Alors, il appartient aussi au gouvernement de faire ses enquêtes avec ses outils, la police, le CNDH. Il peut faire des enquêtes approfondies, même si ce rapport sortait 3 ou 4 mois plus tard, l'essentiel c'est qu'il sorte avec des commentaires là-dessous. Des cas se produisent. Si le gouvernement, la police ne parvient pas aussi à faire des enquêtes qui aboutissent à la culpabilité quelconque, c'est le problème est que les gens ont tendance à croire sur les rapports qui ont été produits s'il n'y a pas encore eu des corps avec des investigations fouillées. Et c'est là où je dis qu'il faut mettre beaucoup de paquets pour que justement on enlève les équivoques par rapport à ça. Mais aussi, je ne dois pas aussi contester que la situation des droits de l'homme et ses commissions n'échappent pas à la géopolitique, au relation de la géopolitique mondiale. Là, c'est tout à fait normal. Le monde il est tel qu'il est aujourd'hui. On peut avoir une cour pénale internationale, il y a des pays qui la contestent, il y a même des grandes puissances actuellement qui la contestent. Donc c'est compliqué, bien sûr, mais je crois qu'en diplomatie aussi, avec cette complication et des relations géopolitiques et mondiales, chaque État doit savoir comment tirer son épingle du jeu. C'est tout à fait normal. La diplomatie, elle est ce qu'elle est. les rapports mondiaux, je me le dis, ils sont ce qu'ils sont. Il faut savoir comment tirer son épingle du jeu. Sinon, je ne peux pas dire que les relations internationales, les relations et le multilatéralisme aussi n'a pas de défis aujourd'hui. Il y a des défis qu'il faut absolument le relever. Et pensez-vous que la géopolitique aujourd'hui joue contre le Burundi? Bon, la géopolitique, comment je vais par exemple l'appréhender? On a par exemple une cour pénale internationale. Il y a des pays par exemple qui contestent la cour internationale, notamment la Russie. Et la Chine. Mais aujourd'hui, on voit aussi que les États-Unis, maintenant, sont contre cette cour, qui menacent même de prendre des sanctions à l'encontre de ces magistrats de la cour s'ils osent commencer à enquêter sur les exactions soi-disant commises par les Américains. Donc, vous comprenez que ça commence à créer une confusion quand les États disent vous ne touchez pas nos ressortissants, quand les autres disent nous allons faire ça. Donc, ça crée un imbroglio. Ce multilatéralisme, c'est pour ça que je dis qu'il a des défis qu'il faut finalement relever. Mais le problème, c'est qu'on risque finalement d'occulter les problèmes des droits de l'homme et faire émerger la géopolitique et en fin de compte oublier l'essence même du respect des droits de l'homme. C'est ça justement le problème, les défis actuellement, c'est ça le problème. C'est pour cela qu'on a toujours constaté des accusations, des contestations partout, accusations, contestations, sans toutefois connaître comment sortir de cette situation. Ministre Martin Niviabandi, à côté deux invités convergent et qu'il y a une procédure quand il faut contester un rapport, notamment produire un contre-rapport. Est-ce que le gouvernement a fait un premier pas par rapport à cette procédure? Merci. Vous le savez, peut-être le fonctionnement des conseils des droits de l'homme est un peu différent du fonctionnement des institutions judiciaires dans le pays. C'est un peu différent puisque le conseil des droits de l'homme reste un instrument des Nations Unies. Et ça, c'est plus, comme le disait M. Faustin, il y a un peu une dose diplomatique qui est dedans. Mmh. Les Nations Unies, il y a toujours cette notion de souveraineté. Ce que nous contestons au niveau, ce n'est pas seulement le Burundi, mais c'est tous les pays qui se trouvent dans la même situation que le Burundi. C'est cette instrumentalisation par un groupe de pays et pour faire avancer leurs causes et occulter les vrais réseaux d'oppression, les vraies raisons de violation des droits de l'homme. Puisque les droits de l'homme, comme je le disais, c'est un tout. Tu ne peux pas isoler les droits civils et politiques des droits socio-économiques et culturel. Pour revenir à votre question, M. Tassin a soulevé comment est-ce qu'il fallait contester le rapport, quelles sont les procédures. Là, je voudrais vous rappeler, vers la fin, c'était en novembre 2015, une résolution S24/1, il est voté et met en place la enquête indépendante des Nations Unies au Burundi. Ils ont travaillé presque une année dans ce pays. Ils ont travaillé, ils ont rencontré tous les acteurs. Mais le grand problème, c'est au niveau des rapports. Une fois que le rapport nous a été transmis au niveau du gouvernement, nous avons rédigé un contre-rapport que nous avons transmis au Conseil des droits de l'homme. Ce qui nous a étonnés, dans un monde au XXIe siècle, c'était très étonnant. Votre rapport nous a été transmis dans un format qui n'est pas téléchargeable. On vous dit, vous l'avez envoyé sous forme PDF. Nous, notre mission diplomatique l'a renvoyé sous format Word. Mais jusqu'au jour de la présentation du dialogue interactif, le rapport n'était pas encore sorti. Si vous voulez, nous disons les raisons que nous avons avancées, les explications que nous avons données à l'époque restent encore valables puisque même le rapport de la commission de Doudienne ne sont qu'une copie. Des papiers collés, des copy and paste. Nous disons, mais pourquoi? Si nous avons eu une mission d'enquête indépendante des Nations Unies, pourquoi est-ce que vous créez d'autres commissions? Nous disons, il y a des résultats que vous avez produits, nous avons donné notre rapport. Il fallait plutôt travailler sur ce que le gouvernement a fait et ce que vous aviez donné. Mais, comme le rappelait M. Faustin, la question des droits de l'homme n'échappe pas à l'influence de la géopolitique ces derniers temps. La raison, c'est qui nous a poussé le gouvernement à croire qu'il y avait un agenda caché. Une membre de la commission a trouvé du job, a été recrutée au niveau de la CPI. Et quand vous lisez la mouture de la résolution, c'était de produire des éléments qui pourront alimenter l'enquête de la CPI. On s'est dit non, au niveau du gouvernement du Burundi. Nous ne pouvons pas accepter qu'une commission 10 conseils des droits de l'homme soient confiés des missions d'enquête à des fins de prosecution. Je ne sais pas comment on appelle le mot. Monsieur Tassier, c'est un juriste. Là où l'on fait les enquêtes, où les procureurs vont faire des enquêtes. Ce sont des enquêtes préjudiciaires. Voilà. Nous disons non, ce n'est pas de votre mission. Mesdames, messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme. Nous avons fait sortir les textes, nous disons, dans votre émission, vous n'avez pas le droit de créer une commission qui va faire son travail. C'est là où nous avons commencé à voir, on cherche à fabriquer, coûte que coûte, même si ça n'existe pas, des éléments qui vont conduire certaines autorités à la CPI. Et nous doutons que Madame Alapine n'a pas été recrutée à la CPI pour cela. Nous disons, au niveau du Burundi, nous allons nous mettre ensemble. C'est pourquoi nous privilégions un dialogue au niveau national sur la question des droits de l'homme. Nous avons organisé toute une session avec le PARCEM, où les grands acteurs de ce pays, nous sommes réunis. Et nous avons discuté comme des frères, comme des sœurs. Le parti au pouvoir était représenté par le secrétaire général adjoint. Il y avait l'ancien vice-président Yves Saïngoubou. Il y avait son excellence, l'ancien président Ntibantunganya. Les grands acteurs. Et nous avons mené un débat qui soit le plus réaliste possible. C'est là où nous avons dit. Maintenant, nous venons d'organiser des sessions avec la CNDH où nous amenons les gens à comprendre la notion des droits de l'homme. Puisqu'il y a des gens qui vont crier, sans comprendre même cette problématique des droits de l'homme. Il y a Tassien qui avance que la prolongation du mandat de la commission, ça peut même aider le gouvernement à fournir des preuves par rapport aux arguments avancés sur la situation des droits de l'homme. Plutôt pensez-vous que cette prolongation sera favorable au Burundi? C'est du cancer qu'on a introduit dans les relations entre le Conseil et le gouvernement du Burundi, malheureusement. Nous avons dit, avec le rapport EUNIP, nous avons produit un contre-rapport, je le répète encore une fois, il fallait nous mettre ensemble et vous montrer. Vous, gouvernement de Burundi, vous dites cela, ceci. Et nous confrontons la réalité. Mais là, c'est là où il y a eu un forcing. Nous avons travaillé 2 jours avec l'Union européenne. Et malheureusement, la réponse était que c'était déjà trop tard. Comment est-ce qu'il pouvait être trop tard pour une question aussi vitale pour toute une population? Nous avons dit, si c'est trop tard, nous n'allons pas accepter une résolution qui va dans le sens de prolonger la mission de l'UNIB avant que nous puissions vider cette question. Là, les questions qui sont liées aux questions des droits de l'homme, nous avons commencé à constater qu'on veut créer une situation où certains pays, vous allez faire de l'expérimentation des guinea pigs. Là, nous disons que le Burundi ne va pas accepter d'être un guinea pig, une cobaye pour expérimenter certaines solutions. Non, nous disons, nous avons notre voix, nous avons notre droit au chapitre, nous allons contribuer, comme d'autres pays doivent contribuer, à la bonne marche des différentes sociétés de ce monde. Là, c'est là, on l'a vu quand il s'agissait des interventions, où c'est la même musique. Comment est-ce que c'est la même musique? Et vous avez trouvé. Vous allez même trouver au niveau des résolutions, comment ils sont votés. Vous trouvez que c'est le bloc de l'Occident et des alliés. Et vous trouvez un autre bloc de pays qui sont trouvés presque dans la même situation. C'est là même là où il y a le risque. Les pays africains qui comprennent mieux la situation du Burundi, ils préfèrent voter abstention. Sauf certains pays, le Rwanda a voté pour la résolution. Vous comprenez les relations entre le Burundi et le Rwanda pour le moment. Mais les autres ont voté abstention. Il y a les autres pays comme l'Égypte, comme j'ai pas le tableau ici, qui ont voté contre la résolution. Pourquoi? 7 pays. Pourquoi? C'est parce que, comme le disait M. Fossé, il y a les enjeux géopolitiques qui sont là-dedans. Et il faut voir la campagne que mènent les ambassadeurs de l'Union européenne quand il s'agit de faire avancer leur résolution. Mais aussi, le tort, la tare de ce Conseil des droits de l'homme, c'est au niveau même des financements. puisque ces résolutions, une fois votées, la mise en place, ce sont les États qui se proposent pour financer de telles missions. On a parlé de la résolution qui avait été votée par le groupe africain. La résolution, c'était la résolution 36/2. Mais il fallait comment ? On avait mandaté M. Zeid, le commissaire, le haut commissaire aux droits de l'homme, de mettre en place une équipe. Mais il a fallu attendre 6 mois pour tenter une action qui n'a même pas, de façon, on ne respectait pas aucune procédure, alors que celle de l'Union européenne avait été commencée, son exécution commencée le lendemain. Pourquoi ? C'est parce qu'ils se disaient, ces gens-là, ils nous ont donné de l'argent, il faut que nous commencions à mettre en application leur volonté. Il y a eu plusieurs rapports, surtout avec la crise de 2015. Quel est le rapport qui semble être mieux élaboré par rapport à la situation des droits de l'homme ? Non, si vous lisez le rapport, j'ai lu de la première page à la dernière page, le dernier rapport de Doudou Diagne de 270 pages, je l'ai lu in extenso. Vous allez voir que ce n'est pas différent du rapport qui avait été produit précédemment. Ce n'est pas différent du rapport qui avait été produit avec les UNIB. Finalement, il n'y a eu qu'un seul rapport. Là, vous dites vrai, ce n'est qu'un seul rapport qu'on essaie d'embellir avec certaines phrases. Mosaïque. Honorable Tassien, on parle de la géopolitique, des aspects plus politiques cette fois-ci, qui dominent le débat sur les droits de l'homme. Pensez-vous que la situation se présente telle que, ou bien que c'est un échappatoire pour discuter de façon concrète la situation des droits de l'homme dans un pays, notamment d'abord, ce qu'il faut faire comme mise au point, la question des droits de l'homme est une question politique. Parce que ce sont des dispositions des conventions internationales que les pays ratifient à bon escient, sans contrainte. Ce sont des dispositions qui sont reprises dans le préambule des constitutions nationales et dont certaines sont reprises dans le corps même de la constitution de chaque pays, y compris le nôtre. Alors comment voulez-vous que cela échappe à la politique ? C'est la gestion du pays. Il en va de soi que, comme le disait le ministre, les droits de l'homme ne sont que civils et politiques seulement. Il y a des droits sociaux, il y a des droits économiques. Ça, on n'en disconvient pas. Mais la question de fond, ne commençons pas à faire le jeu nord-sud-sud-nord, parce que comme on venait de le dire, les États-Unis contestent quand la Commission ou la CPI veut s'enquêter sur ses militaires pour dire chacun veut tirer de son côté. Mais la question de fond est de savoir, est-ce qu'il y a eu violation des droits de l'homme ou pas ? Est-ce que les institutions nationales de chaque pays, je ne parle pas du Burundi tout seulement, est-ce que ces institutions nationales sont en train de juguler cette impunité relative ? C'est ça la question de fond. Alors, s'il y a des violations, il faut qu'elles soient punies conformément aux lois nationales et internationales qui existent encore. Si les mécanismes nationaux ou les institutions, qu'elles soient judiciaires, politiques, administratives et autres, ne sont pas déterminées à juguler ça, alors qu'il y a des mécanismes internationaux qui ont été prévus et auxquels les différents pays ont adhéré, y compris le Burundi, on n'y échappe pas. C'est ça la deuxième question de fond. Mais de dire comme les États-Unis contestent à ce pays, le Burundi doit contester, ce n'est pas un mimétisme aveugle. Les États-Unis disent « nous ne voulons pas que nos militaires soient poursuivi devant la justice. Est-ce que les États-Unis ont raison sur ça ? Non. S'ils ont commis des crimes, alors que le droit international est là pour ça, alors qu'il y a eu des institutions internationales qui ont été créées pour ça, il faut décrier cette attitude des États-Unis. Mais copier cette attitude parce que ce sont les États-Unis qui ne veulent pas que ces militaires soient traduits en justice alors que ça relève du droit qui est là, ce n'est pas le bon exemple. Ça, c'est la troisième mise au point. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre que toute solution nationale est la plus durable. Mais est-ce qu'elle est là ? Effectivement, il a dit dans sa première intervention qu'il faut tout faire pour que le respect des droits de l'homme soit une réalité dans notre pays. Il faut que son vœu soit exaucé. Et il faut que son vœu soit traduit dans les faits. Sinon même cette commission n'aurait jamais vu le jour. Trouvez-vous des obstacles par rapport à ce vœu formulé par le ministre? Les obstacles, je ne peux pas vous les dire ici. Mais le constat est que quand même, il y a des dossiers qui n'avancent pas. Je ne suis pas l'avocat du diable. Je pense que même le ministre peut quand même être d'accord avec moi qu'il peut y avoir des efforts, mais il y a quand même des dossiers qui n'avancent pas. Pourquoi? Il y a des victimes qui ont même été obligées de fuir le pays. Si jamais elles rencontrent un mécanisme comme celui-là, c'est ce que je disais tantôt, monsieur le ministre. Ils ne vont pas caresser le gouvernement. Ça, c'est normal. Parce qu'il y en a qui ont des preuves, qui ont perdu les leurs. C'est une réalité. Donc, si les membres de la commission les approchent, comment voulez-vous qu'ils le disent? Alors que la justice n'est pas encore parvenue à montrer la voie, qui est le criminel qui a fait ceci, dans tel genre de dossier, dans tel autre. Qui plus est, si la situation avait cessé, qu'on entend plus de disparitions forcées, des corps sans vie qui sont retrouvés ici et là, même les enquêteurs, même cette problématique géopolitique qui revient, la situation va s'améliorant. Mais est-ce que c'est le cas? Je pense que c'est la question de fond. Alors, quand on dit c'est le néocolonialisme, c'est le... OK. Mais pourquoi le néocolonialisme naît quand il y a justement une mésentente sur la situation des droits de l'homme? Est-ce que c'est maintenant qu'on se rappelle qu'on a été colonisé un jour? Je ne pense pas. Alors, et c'est vrai, le ministre a dit il y a un groupe des Occidentaux, il y a un groupe des pays dits du Sud, mais en cette matière, l'abstention équivaut à l'acceptation. Même s'ils cherchent justement à créer un bloc, ce n'est pas encore gagné. Parce que les pays africains... Mais l'abstention, c'est s'abstenir. On n'affiche pas une position entre le oui ou le non. Le ministre qui participe dans la session, je n'y ai jamais été, mais juriste que je suis, je sais qu'en cette matière, abstention vaut acceptation. Soit vous votez non, mais si vous vous abstenez, vous ne bloquez pas la résolution. C'est ça, en fait, le problème. Je reviens sur une chose. Franchement, monsieur le ministre, si le gouvernement avait accepté que la commission vienne, je suis convaincu que les rapports qui seraient sortis ne seraient pas de la même tendance. Ça, je suis convaincu. Mais même les pays qui peuvent être du côté du Burundi se demandent pourquoi ce refus obstiné du Burundi à accueillir la commission sur son territoire. Alors qu'on sait que le gouvernement... Toutes les commissions qui sont nommées, quand le gouvernement coopère, il les encadre. Ils ne travaillent pas n'importe comment, je sais. Mais si vous refusez carrément que ces commissions arrivent, les gens vont se demander pour quelles raisons. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Pourquoi? Si réellement vous avez des preuves contraires, il y a un premier rapport qui contient des contre-vérités, comme le gouvernement aime le dire. La meilleure façon, c'était de dire, écoutez, messieurs les membres de la commission, venez. Vous parlez d'un nombre de personnes qui ont été portées disparues. On vous les montre. Vous parlez des gens qui sont illégalement emprisonnés. On vous montre l'état des lieux. Ça, ils ne peuvent pas aller contre des rapports comme cela. Mais si vous bloquez et qu'eux sont contents de poser des questions à celui qui est disposé à donner les informations, soyez rassurés que les rapports seront toujours vraiment... De toute façon, ne satisferont jamais au gouvernement. Je vais plus loin. Rassurez-vous, même si le ministre a dit le fonctionnement du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme diffère des juridictions, je suis d'accord. Mais quand il faut parler d'enquête, ce n'est pas tellement différent. Je vous ai dit, si quelqu'un refuse de comparaître devant le tribunal ou devant le ministère public au niveau des enquêtes préjudiciaires, comme le ministre le disait, et surtout qu'il est accusé. Parce que si on va au Conseil, qu'on vote une résolution mettant en place une commission, dans la plupart des cas, c'est contre le gouvernement. Mais sinon, le gouvernement accepte d'emblée l'entrée sur son territoire de cette commission. Si le ministre a l'impression qu'on est pressé pour traduire certaines personnalités devant les juridictions internationales, que direz-vous? Non, ça c'est autre chose. Moi, je parle des rapports d'abord. Parce que la question de la traduction de certaines personnes devant la Cour pénale internationale, ça, c'est une autre question. Mais il a mis en relation le Conseil et le travail de la commission d'enquête et la CPI. Non. Ça, je ne crois pas que ça soit la même chose. D'abord, la commission... Peut-être que si on pouvait partager la mouture de la résolution de l'Union européenne, c'était cela. C'était bien marqué noir sur le blanc que la commission d'enquête devait collecter les éléments qui vont permettre l'enquête des procureurs de la CPI. C'était de cette manière. Je ne conviens pas, effectivement. Nous l'avons toujours répété que le Conseil des droits de l'homme, manipulé par une partie de ses membres, a créé une commission qui n'est pas conforme aux procédures et aux principes qui régissent le Conseil des droits de l'homme. Créer une commission qui va collecter des éléments pour l'alimenter la CPI. Là, nous disons, nous ne pouvons pas être d'accord. Ça, ce sont des informations peut-être que nous recevons ici. Mais de principe, par principe, ces rapports peuvent effectivement servir d'enquête, mais on doit d'abord... Il y a le parquet pour ça. Le parquet, c'est le parquet qui mène une instruction préjudicielle qui sert de base de travail à la Cour pénale internationale. Effectivement, il y a des écrits, même dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, il y a des écrits qui peuvent aider dans les enquêtes. Et c'est ça justement que je dis, monsieur le ministre. Si vous voyez effectivement qu'il y a cette tendance et que vous savez très bien qu'il y a moyen de prouver le contraire de ce qu'il y a comme contenu de rapport, pourquoi vous fermez la porte à ces commissions? Vous les amenez et vous les déportez sur le terrain. Écoutez, monsieur, vous voulez confectionner des faux rapports pour incriminer telle ou telle autre personnalité. Venez sur le terrain, on vous montre le contraire. Pour effectivement ne pas contester politiquement, alors qu'il y a moyen de contester de façon pratique et de façon procédurale pour que justement on ne soit pas incriminé à tort. Je dis les autorités, tout comme un autre citoyen burundais, ne croyez pas qu'il y en a qui sont fiers et que le Burundi soit toujours sur la table des différents forums internationaux. Comme vous le disiez tantôt, je pense qu'il nous revient de voir comment nos mécanismes puissent suppléer justement à cela. C'est la meilleure formule. Faustin Dikoumana, on comprend qu'il y a toujours un défi quand il faut analyser la situation des droits de l'homme dans un pays par rapport au contexte politique. Est-ce que finalement on peut être au-dessus de la mêlée et essayer d'apprécier les droits de l'homme en entièreté, un peu dénué du contexte politique? Comme je l'ai dit, il est difficile justement quand justement la violation des droits de l'homme découle dans un contexte de crise politique, ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de faits dans les rapports sont des faits qui nous sont connus de la part même des médias. Dire Afsa Mossé a été assassiné, Nassano a été porté disparu. C'est ça qui nous sont connus. Moi, je les ai lus. Maintenant alors, le défi, c'est quels sont les auteurs? Parce qu'il y a les faits. Les auteurs, c'est qui? C'est ça. Donc, la problématique, c'est ça. Les auteurs, c'est qui de ces faits? Encore une fois, il y a un problème des fois quand on entend les informations ou si on lit ces rapports des violences des droits de l'homme, les tueries. Donc, par exemple, les tueries. Différencier une tuerie qui doit être interprétée comme une violation des droits de l'homme par les services de l'État ou une tuerie de droit commun, rivalité sociale. Là aussi, est-ce qu'il y a séparation, il y a quoi? Donc, ça devient un problème. Quand alors, si on dit tel citoyen est porté disparu, les enquêtes nationales n'aboutissent pas, ça devient aussi un problème. C'est un problème. Si les enquêtes nationales n'aboutissent pas, alors d'autres disent, nous avons fait nos enquêtes et nous avons trouvé que c'est tel ou tel autre. Il faut alors, vraiment, j'invite le gouvernement, ses instruments à faire des enquêtes qui aboutissent de façon souveraine. De façon souveraine. Ça pourrait améliorer, n'est-ce pas? Parce que si c'est un fait qui est connu, au moins connaître les auteurs, aboutir à connaître les auteurs. La police nationale peut dire, nous avons abouti à celui qui a commis tel ou tel autre acte. Ça pourrait commencer à crédibiliser ces rapports. C'est même le début de contexte de ces commissions. Parce que tous les gouvernements, vraiment, ont toujours refusé des fois l'entrée de Télécom dans les pays. Je dis en général. Joli dans le passé, même aujourd'hui, on dit on veut créer une commission qui va enquêter en Israël, le gouvernement refuse. En Éthiopie, quand on a dit une commission qui va enquêter sur des Oromos, le gouvernement Zenawi a refusé. Maintenant, les Rohingyas, même maintenant, imaginez-vous même la vedette des droits de l'homme, Aung San Suu Kyi, et maintenant, il est au gouvernement. Et nous ne connaissons pas les délégations des Nations Unies. Maintenant, elle est au gouvernement. Elle a changé de fois. Elle refuse complet. Est-ce que je m'en... Non, non, non. En 1988, quand il y a une Ntegamarangara, la première chose que le gouvernement a refusé, une commission internationale. On a dit on va utiliser peut-être la diplomatie ou quoi pour ce monde. Très récemment, quand on a dit aux Nations Unies qu'on va créer une commission pour enquêter sur les crimes, je crois, du FPR au Congo. Est-ce que cette commission n'a pas directement disparu? Donc, pour dire, chaque gouvernement peut, dans cette imbrogue de relations internationales, il essaie peut-être de dire, je vais utiliser la diplomatie, l'influence, pour étouffer tous ces gens qui vont me bloquer, qui vont... C'est ça. Est-ce que ce refus qui est un peu systématique, oui, pour tous les gouvernements, oui, on ne peut pas, si on essaie de raisonner par déduction, que c'est aussi accepté qu'il y a des violations des droits de l'homme? C'est ça, c'est pour cela que moi je veux y arriver que, alors la dynamique nationale, c'est bien elle qu'il faut vraiment aussi encourager, comme à dire, je suis tout à fait d'accord. S'il y a une disparition avéré aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement nous sommes en train de faire pour baliser à sort? Avons-nous déjà organisé une campagne de sensibilisation, de responsabilité de l'administration? Pourquoi telle personne X a disparu? Il faut faire tout. Est-ce que les emprisonnements abusifs, nous avons un mécanisme d'observation nationale pour les juguler? Est-ce que nous avons une dynamique souveraine nous-mêmes pour être sensible à ces questions des droits de l'homme? Et dire les questions des droits de l'homme civils et politiques, pour les nations encore fragiles au niveau politique, ce sont ces droits justement qui sont toujours et qui font parler d'eux, toujours, qui font parler d'eux. Parce que il y a des pays avec le niveau avancé peut-être de démocratie, de compréhension, de tolérance, qui essaient de dépasser ces situations de fragilité politique, de conflits politiques endémiques, où on commence justement à parler plus les droits socio-économiques. Ne vous en faites pas, même l'Europe, dans le passé avec les régimes absolutistes, les révolutions françaises, sur les droits civils et politiques qui se faisaient parler d'eux. Et si vous écoutez la Marseillaise, c'est un hymne de libération d'un peuple qui se sent opprimé, Vous voyez, donc, c'est l'évolution. Nous-mêmes, ici en Afrique, dans les pays en voie de développement, il y aura un stade où les droits socio-économiques pourront vraiment être à la base des défis qu'on parle couramment. Mais aujourd'hui, je dois dire que c'est justement cette complication de la géopolitique mondiale. Mais sans doute, quand Tassé a dit qu'on ne fait pas, par exemple, suivre l'exemple des États-Unis, j'en conviens. Mais quand un pays qui est censé être le premier pays au niveau démocratie, liberté, droit de l'homme, dit moi aussi je conteste ce pays, à la même longueur d'onde qu'un pays comme la Russie, qu'on dit qu'il y a encore un arrière au niveau du respect des droits de l'homme, ça commence à compliquer les choses. Est-ce que les pays africains, par exemple, qui étaient supposés comme des pays qui ont une faible voix à l'échelle internationale, ne peuvent pas naviguer à travers ce positionnement des pays riches ou des pays puissants pour aussi tirer l'épingle de jeu? Moi, je dois dire que si on faisait la promotion d'une dynamique nationale, d'être sensible sur la question des droits de l'homme. De toutes les façons, la question des droits de l'homme se fonde sur trois principes. La liberté, l'égalité et la dignité. Qui ne veut pas la liberté? Qui ne veut pas l'égalité? Qui ne veut pas la dignité? Il y a des trois principes qui ont été à la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme, auquel tout peuple aspire, après tout. Donc, il faut une dynamique nationale, être sensible sur ces questions, les débattre, parce que je dois dire aussi que il est rare d'imaginer qu'un gouvernement peut lui-même et je dirais, et programmer de façon institutionnelle la violation des violations des droits de l'homme. Mais certains membres de ces institutions peuvent commettre les violations des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a un mécanisme de pouvoir remettre hors d'état de nuire, par exemple, pour lutter contre cette impunité? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui se cache dans cette couverture gouvernementale, administrative, pour commettre des violations, même pour son intérêt? Pourquoi pas emprisonner quelqu'un, faire pour son intérêt? Il faut voir que si nous avons déjà arrivé à bâtir nos institutions, les rendre indépendantes, pour justement essayer de limiter les abus de certaines institutions. Parce que les violences de l'homme, c'est toujours l'exécutif qui est mis en jeu. Normalement, c'est l'exécutif. Quand il y a des institutions, la séparation de pouvoir, la démocratie, les institutions comme l'ombudsman, les institutions, la justice, s'ils fonctionnent de façon indépendante pour épingler certains membres de l'exécutif qui s'adonnent à de violences des droits de l'homme, on peut évoluer. C'est une question de souveraineté, d'utiliser, de faire appel à nos institutions, de les rendre opérationnelles. Ça peut vraiment nous aider à avancer. Mais je ne crois pas que cet embargo international est déjà compliqué, que si on n'utilise pas la diplomatie et le dialogue, comme l'a dit monsieur Tassin, je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir. Nous sommes vers la fin de cette émission. Ministre Martin Niviabandi, pensez-vous qu'il y a encore à améliorer au niveau du système étatique pour que la situation des droits de l'homme soit assainie, que même ces rapports ne soient pas systématiquement contestés? Bon, dans la vie d'un homme, il y a toujours à améliorer. Ce qui est valable pour un homme, elle est aussi pour une institution. C'est toujours comme ça. Même ces pays-là qui se disent qu'ils sont des grands, qui respectent le plus les droits de l'homme, il y a toujours à améliorer. Ce n'est pas les pays nordiques qui sont présentés comme des modèles en termes de gestion sociale. Mais vous avez toujours entendu, quand il y a des extrémistes qui s'introduisent dans des écoles, ils vont tuer une soixantaine de petites filles qui font la gardienne. Les humains sont comme ça. Nous l'avons toujours répété, le bon Dieu n'est pas un paradis. Il y a des cas de violation des droits de l'homme. Mais quand c'est que nous contestons d'abord au niveau de ce rapport, c'est quand vous affirmez, sans aucune preuve, que tel est l'auteur. Le Service national de renseignement s'est toujours pointé du doigt. À moins que vous soyez avec eux, l'auteur des crimes. C'est toujours les Imbonerakure qui sont les auteurs de violations de droits de l'homme. Ce sont toujours les services étatiques. Au niveau de l'appareil, je voudrais qu'on revienne à l'histoire. Moi, personnellement, dans mon bureau, avec le procureur général de la République, on fixe un rendez-vous avec les membres de la commission pour que le procureur puisse leur montrer le travail qui a été déjà fait. Ce rendez-vous n'a jamais... On les a attendus 3 jours, sans qu'aucun membre, les membres de la commission et UNIB ne se sont jamais rendus prendre les résultats, les données que le procureur devait les donner. On s'est posé la question. Mais quand vous affirmez que septembre 2016, au mois de septembre, il y avait de l'insécurité. Mais c'est ici où on a organisé les foires. Comment ils affirment dans le rapport qu'ils ont mis fin à leurs travaux avec le mois de juin. Et vous dites qu'en septembre, il y avait de l'insécurité. Il y avait de l'insécurité. C'est le mois qui était le plus paisible. À voir la situation, comment ça se prévalait. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que les gens puissent comprendre. Les membres de la commission, ils vont mettre en place un secrétariat. C'est ce secrétariat qui va collecter des informations. Et pour un professionnel, vous dites que vous avez collecté des informations à travers les WhatsApp. Même au niveau du rapport de la commission de Doudienne, il est bien marqué que les informations, ils ont tiré des informations à l'intérieur du pays via les réseaux sociaux, les WhatsApp. On se pose la question de savoir si vous avez votre méthodologie de pouvoir collecter des informations, pourquoi est-ce que vous allez nous faire perdre du temps au niveau du gouvernement alors que vous allez produire un rapport qui n'est que du copier-coller à d'autres rapports? Nous disons... Peut-être que les Burundais n'aiment pas utiliser ces nouvelles technologies, il faut les utiliser. Le contre-rapport qui reste valable est disponible sur le site du gouvernement du Burundi. Ministre Martin Ivyabandi, maintenant il y a une année pour la commission pour travailler. Qu'est-ce que vous proposez à cette commission pour une meilleure collaboration? Nous ne proposons rien à cette commission, puisque nous ne la reconnaissons pas. C'est une commission illégitime. Nous n'allons pas collaborer. Encore une fois, il faut le répéter, le gouvernement Dibondi ne veut pas collaborer avec cette commission, puisque nous avons décelé que le travail d'une telle commission est toujours... C'est un résultat planifié au départ. Mais si vous n'êtes pas favorable à la raison même d'être de la commission, est-ce que vous êtes favorable à la rouverture du bureau de l'Office du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, M. Burundi? C'est une autre question que nous avons discutée avec le Haut-Commissaire, puisque c'est son représentant personnel. La délégation qui était à Genève a eu l'occasion d'en discuter. Permettez-moi de ne pas divulguer ce que les résultats, les conclusions de nos discussions. Au moment opportun, nous pourrons vous donner la réponse. Merci. Une minute pour Tassien, une minute pour Faustin Dikoumane. On ne reconnaît pas la commission. C'est ça. Bon, mais finalement, quelle sera est-ce la est-ce qu'il suite? Y a violation des droits de l'homme ou pas? Est-ce que les institutions nationales, les mécanismes nationaux sont en train de juguler cette violation des droits de l'homme ou pas? Troisième aspect, si cela n'est pas le cas, est-ce que les mécanismes internationaux auxquels le Burundi a adhéré sont-ils encore capables de faire leur travail? Quatrième aspect de mon intervention, est-ce que, comme le gouvernement dit qu'il ne collaborera jamais avec cette commission parce que illégal ou parce que le gouvernement se dit qu'il a une mission préalablement établie, est-ce que le gouvernement peut proposer une autre formule de désignation des membres de la commission? Et je vais terminer par ceci. Les gens, il ne faut pas qu'on se trompe. Quand il y a un rapport à charge d'un gouvernement ou à charge d'une personne X, ne croyez pas qu'il y aura toujours un consensus entre les deux parties. Certains faits peuvent s'avérer vrais, mais l'autre partie pourra toujours contester. L'essentiel étant qu'il ne soit pas condamné sur de fausses bases. Mais de là à dire que quelqu'un qui est accusé de tel manquement et sa victime seront toujours à mesure de voir les choses dans la même voie, ce n'est pas toujours évident. Mais un conseil pour moi, si j'étais vraiment à la place du gouvernement, si j'ai des arguments forts et des preuves irréfutables qu'il y a des contre-vérités dans ces rapports, la meilleure façon de faire, c'était pour moi d'inviter cette commission et de venir sur terrain pour lui prouver le contraire. Je suis étonné que le gouvernement dise « je ne pourrai jamais accepter qu'il vienne », alors qu'il y a d'autres que le gouvernement invite, que le Parlement invite, venez vous rendre compte des réalités de terrain, alors qu'ils n'ont même pas justement cette émission d'enquêter sur le Burundi. On ne peut pas inviter une commission qu'on ne reconnaît pas. Justement, en fait, c'est ça le principe de dépasser. C'est pourquoi je n'avais pas voulu m'aventurer sur le contenu du rapport. J'ai toujours parlé des principes. Faustin Dikoumane, si le gouvernement n'accepte pas la commission, ne reconnaît pas la commission, quelle est l'alternative que vous proposez au gouvernement pour qu'il n'y ait pas toujours ce débat par rapport à la situation véritable des droits de l'homme au Burundi? Le gouvernement est devant sa responsabilité. Et au niveau de la dynamique interne, je conseille au gouvernement de maximiser le fonctionnement, les instruments internes pour améliorer la question des droits de l'homme, parce que si on analyse ce qui pourrait être la cause de violation des droits de l'homme au Burundi, il y a encore vraiment ce qu'il faudrait faire, surtout en utilisant même les institutions internes pour améliorer la situation des droits de l'homme au Burundi. Quant à la relation avec Nations Unies, commission là, moi, je prône le dialogue. Et après tout, le gouvernement doit faire tout son possible pour améliorer l'image de notre pays, en appuyant cette image par des actions initiales internes, prouvant que la volonté d'améliorer la situation de l'homme au Burundi est bien là. Voilà, merci. C'est la fin de l'émission Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, nous discutions autour des travaux et des rapports de la commission d'enquête des droits de l'homme au Burundi, une commission qui a vu son mandat prolongé d'une année. Dans ce studio, nous étions avec trois invités. Nous disons merci au ministre Martin Viabandi en charge des droits de l'homme et des affaires sociales. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Ah, merci de l'invitation, surtout que le gouvernement Burundi va continuer à travailler pour respecter les droits de l'homme, non pas pour satisfaire la communauté internationale, mais pour satisfaire ses citoyens. Nous disons également merci à Honorable Tassien Sibomana, porte-parole de la coalition Amizero Burundi. Je vous remercie, je remercie Monsieur le Ministre qui nous promet quand même que des efforts doivent toujours être faits. Si cela a été fait, je ne crois même pas que ces commissions auraient été opportunes. Merci, nous disons également merci à Faustin Dikoumana, représentant légal de Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Merci d'avoir été des nôtres dans l'émission Mosaïque. Merci, tout en présent aussi que je suis d'accord avec le ministre. On ne doit pas gérer la question des droits de l'homme pour satisfaire la communauté internationale. C'est une question de souveraineté, mais qui prouve que des avancées sont en train d'être faites dans ce domaine. À la réalisation de l'émission Mosaïque, c'était Jérôme Niyonzima, Audrine Ndaikeza assurait la technique. Pacifique Chuvairo était à l'animation de l'émission d'aujourd'hui. À vous tous à l'écoute des émissions de la radio Isanganiro. Nous vous souhaitons de continuer à suivre nos programmes. Mosaïque.